devoir m'isoler, de te voir me maudire, sans jamais te plaisir. Je n'ai que vous que je les aime. Et si je dois négocier pour rester à vos côtés, si je dois à vos côtés, si non, non. Je préférerais crever. Si les gens font que l'on s'y perd sur la triste vérité, moi je n'oublie pas pour qui je suis voué, pour ceux qui m'ont sauvé, ceux qui m'ont donné la confiance. Un peu d'intérêt, un peu d'intégrité, un peu d'intérêt, un peu d'intégrité.